Debout près du gros arbre, en un instant éclair, je regarde à la verticale. S'allonge l'horizon. Du soleil, la lune côtoie la terre. Par terre, la coquille de l'escargot forme des spirales. Je l'accroche à du papier mâché. Des ronds dans l'eau quand j'en vois le caillou rose. Debout près du gros arbre.